Laisse-moi essayer, s'il est encore temps. S'il te reste du temps, au moins essayer, le dire autrement. Ou juste me laisser. Je ne suis pas